indivisible, with liberty and justice for all. Fuck off, moi je veux être. Tu veux être libre comme l'air, hey, libre comme l'air. Tu veux être libre comme l'air, hey. De l'Ariane à Saint-Lévis, à ton traiteur, à ton traiteur, à l'heure à Saint-Lévis, ton traiteur, à ton traiteur, à l'heure à Saint-Lévis, ton traiteur, à l'heure à Saint-Lévis. Et vive le rock libre! C'était The Hellbat. The Hellbat, qui sont un groupe hardcore hardcore à tendance rock'n'roll, si on peut dire, de France. The Hellbat seront en spectacle au Québec cet été. Alors, c'est quelque chose... au courant du mois de mars. Donc, c'est quelque chose à retenir. La pièce qui vient tout juste de jouer de cette formation-là, qui s'intitule The Hellbat, comme je vous dis tantôt, la pièce est A Beautiful Death. Et cet extrait de leur album qui s'intitule One Minute Suicide. Alors, ça brasse beaucoup, ça, ce groupe-là. Même si leur nom, c'est vrai que quand on se fie à leur nom, Hellbat, on a tendance à croire qu'on a affaire à un groupe de psycho. Mais non, vous avez affaire à un groupe hardcore. À tendance gros rock'n'roll de crotté. Et puis, c'est disponible sur l'étiquette Kicking Record. Bon. Alors, maintenant, nous allons poursuivre en musique avec un bloc Chaos Punk qui va commencer avec la formation américaine Monster Squad et la chanson You're Not Alone. Extrait de leur album Fire the Fate que vous pouvez retrouver sur Punkcore Record. Après ça, à la demande spéciale des prisonniers de la prison de Trois-Rivières de la semaine passée, ils voulaient que je leur fasse jouer du Casualties. Bon, du Exploited aussi, mais ça va être pour plus tard. Alors, pour la pièce de Casualties, on va entendre une de leurs très bonne vieille composition, la chanson Fuck You All, qui s'est retrouvé sur un 7 pouces, mais que vous pouvez aussi écouter de nos jours sur un CD, sur l'album compilation The Early Years, qui rassemble ce que les Casualties ont fait entre 90 et 95. Ça aussi, c'est sorti au début des années 2000 sur Punkcore Record. Ensuite, nous allons continuer avec un autre groupe punk hardcore de Montréal, Adirato, et la chanson Green Natural Shit. Et après ça, nous aurons encore plein de bonnes choses. Mais d'ici là, commençons ce premier bloc avec Monster Squad et la pièce You Are Not Alone à Skypunk sur les ondes de C'est Fou à Radio Campus de Trois-Rivières. Ouais, faut que ça rock! Black. Feel it on, lost my grip. Abirato avec Green Natural Shit, extrait de leur album Better Luck Next Time. Juste avant ça, on avait eu tout d'abord Monster Squad avec la chanson You Are Not Alone. Puis ensuite, on avait eu The Casualties avec la pièce Fuck You All. Maintenant, soit dit en passant, si jamais vous aviez le vinyle... Le 7 pouces, je pense que c'est un Fucking Way of Life qui s'appelle le 7 pouces avec cette pièce-là. Ouais, c'est ça, Fucking Way of Life. Hey, si jamais vous avez ça, là, ça joue aussi bien la pièce Fuck You All là, sur la vitesse 45 tours que 33 tours. En slow, là, c'est quand même assez comique cette pièce-là. Donc, je vous suggère de l'écouter en version ralentie. C'est aussi drôle. Là. Bon, après ça... Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer avec un bon bloc de punk qui brasse. Avec tout d'abord la formation écossaise Oi Polloi et leur pièce THC, version live, extrait de leur album Alive and Kicking. Ensuite, à la demande des prisonniers de Trois-Rivières de la semaine passée, ben là, j'en ai du Exploited. J'en ai pas beaucoup, j'avoue, parce que je trippe pas gros sur des Exploited. Je sais pas, dans le Chaos Punk, c'est pas mon groupe préféré. Mais là, j'en ai pour vous autres. La pièce Class War, qui est une des bonnes pièces que The Exploited ont composées au début des années 80. Puis après ça, nous allons terminer le prochain bloc avec Alien Scab et deux de leurs pièces. En fait, c'était les deux pièces qui venaient clore leur premier album. Leur chef-d'œuvre Coming Soon. Alors, nous allons entendre les pièces D-Tune ainsi que Wake Up Fucking Government. Tout ça uniquement à Skypunka, la seule et unique émission à faire jouer du punk. Sur la seule et unique station aussi à en faire jouer en Mauricie. C'est fou. Important question. Does anyone here take drugs? Okay. All right. This is a song about re-legalizing cannabis, okay? A song about legalizing cannabis again. Make it illegal. Okay. But first, we must say, personally, we are not straight edge. We like to drink, sometimes to smoke the herb, but we have respect. We respect people who are straight edge. We have respect for this lifestyle. But we also expect that they should respect us. It is stupid to fight against each other. We should unite. We should come together. People who are straight edge, people who drink, whatever. Like the banner says, unity. Okay? Unity. If we want to drink, we want to smoke, we want to be straight edge. That's cool. Okay, so this one. This one, you must sing this song with us. You must sing. It goes like this, it goes. THC, THC, THC. And then again, THC, THC. Hey. Magnifique, formidable. Okay, so this one's called THC! I'm a fucking shithead. I have just made a penny. I took back some Okay. Fresh water! Fresh water! Can you see it? Fresh water! Can I keep it? understand a life is game. We don't want to be sent for piece of this. Don't control my dreams, with the secret rules. I left my life and I obey to my rules. Take your promise, don't betray your life. Cause one day you realize this is a question, live or die. Pour toutes les corrompus de la terre. Wake up, fucking government! Wake up, fucking government. Why some people believe in you? You never do what they want. You're a fucking loser. Fuck your government. You're a motherfucker. A big bullshit. Fuck your government. Non, ma gang de UFO. Alors, juste avant ce qui vient de le bloc de publicité, nous avons eu Hoi Polloi avec la version live de THC. Après ça, on avait continué avec The Exploited et deux de leurs pièces. On m'a tenté d'en rajouter une vu qu'il n'était pas vraiment très longue. Donc, on avait eu tout d'abord le chef-d'œuvre Class War. Puis après ça, on avait eu une bonne toune contre les ordinateurs. C'est quand même assez étonnant. Dans les années 80, déjà là, il y avait du monde qui commençait à chialer contre les ordinateurs. Donc la pièce Computer Don't Blunder. Puis après ça, on avait eu deux pièces de Lien Scab, soit la pièce D-Tune et Wake Up Fucking Government. Deux pièces extraites de leur premier album qui s'intitulait Coming Soon. Maintenant, nous allons continuer en musique avec une vieille formation montréalaise, vieille, pas si vieille que ça, mais quand même, ça date du début des années 2000. Alors, on y va avec The Generators Et malheureusement, une de leurs pièces qui n'est jamais sortie en album, en tout cas pour l'Amérique, parce que je sais qu'en Europe, Generators ont sorti un second album, mais on a comme jamais eu cette version-là, ce qui est d'Amérique du Nord. Ce qui est dommage, parce que c'était un très bon groupe de Montréal, avec la chanson Institution Live, extrait d'une compilation, la compilation Mayday. Puis, après ça, nous allons poursuivre avec Brigada Flores Maga, une excellente formation Oi de Paris, avec la pièce Lève-toi, extrait de leur mini-album Ange Gardien. Après ça, nous allons poursuivre avec une autre formation française, Bolshoi, et la pièce Sous de toi, extrait de l'album, de leur album éponyme. Et puis, après ça, nous aurons quoi? Eh bien, après ça, nous allons finir le prochain bloc avec les Esclaves Salariés et leur chanson Home Sweet Home. Tout ça uniquement à Sky Punka sur les ondes de C'est Fou, le Radio Campus de Trois-Rivières. Can he know where? Des profondes Yes sir, les ghettos, le reste les ghettos, les esclaves salariés, avec la pièce Home Sweet Home, extrait de l'album Ça augure mal. Si jamais vous n'avez pas cet album-là, c'est vraiment un des musts que je vous dirais à vous procurer du oi québécois. Puis en plus, ça date de pas trop longtemps, j'imagine que c'est encore trouvable. Alors, juste avant ça, qu'est-ce qu'on avait eu? Tout d'abord, on avait eu The Generators avec Institution Live. Après ça, on avait eu Brigada Flores Magón avec Lève-toi et on avait continué avec la formation Bolshoï et la pièce Sous de toi. Maintenant, nous allons continuer avec deux blocs, puis une entrevue qui s'en vient bientôt au téléphone. Donc, avec une formation qui sera en spectacle au Nuit Polaire à Trois-Rivières en fin de semaine, c'est-à-dire samedi. Et c'est la nulle autre légendaire formation ska québécoise montréalaise de Planet Smashers. Donc, c'est ça. Alors, les Planet Smashers vont venir rocker la scène en fin de semaine. Il va faire froid. Apportez-vous du caribou, venez voir les Planet Smashers. Vous allez voir, ça va être vraiment bon. Je suis sûr de ça. Pour une fois qu'il y a quelque chose de bon, on va venir jouer aux Nuits Polaires. En tout cas, à mon goût, sûrement qu'il y en a qui disent « Hey, t'as pas rapport », ben moi je dis que j'ai rapport. Enfin, un bon show ska pour se réchauffer. Et le ska et l'hiver, ça marche très bien. Donc, c'est pour ça que là, on va entendre trois pièces des Planet Smashers, extraits de leur plus vieux album. Alors, tout d'abord, on va commencer avec la pièce Attack of the Planet Smashers qui va s'enchaîner avec The 80 Bus, deux pièces qui sont extraites du second album des Planet Smashers qui s'intitulait The Attack of the Planet Smashers. Après ça, nous aurons un de leurs très vieux classiques, en fait, la toune qu'ils ont fait connaître sur le Halls Canadian, même, en fait, si c'était sur la propre étiquette du chanteur des Planet Smashers. Alors, la pièce Purse Me. Puis après ça, eh bien, nous allons continuer avec une pièce, en fait, la pièce thème de leur troisième album, Life of the Party, qui exprime très bien ce à quoi ressemblent les Planet Smashers, du monde qui aime bien ça amener le party quelque part. Puis après ça, bon, on va avoir un bloc de pub. Ensuite, si tout va bien comme j'ai planifié ça, nous aurons une entrevue avec Matt des Planet Smashers au sujet des Planet Smashers ainsi que de Stomp Record. Puis après ça, ben d'autres tunes encore des Planet Smashers plus récentes. Alors, allons-y sans plus tarder avec les Planet Smashers à Skypunka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. The planet is under attack! We'll be right back. check out what I got. Sparkle in my eyes, smile on my face. Slick back hair, gotta keep up with the pace. She's smelling perfume, shifting here and there. I open up a window, cause it's really hard to bear. All I need is a look in my direction. Take another peek at a wonderful complexion. All this stress makes me suffer and I can't. Hey, won't you notice the moment in the reflection? And drink it till I drown. A Legion suit so I can't get that dusty. Karaoke mic, you know my singing's rusty. Friday night is here and I'm on the move. Fall down some stairs, you'll roll me up a dude. Rev up the engine of my shiny Trans Am. I guess I never realize I'm my only fan. All I need is a look in my direction. Take another peek at a wonderful complexion. All this stress makes me suffer in our chest. Hey, don't you notice? Spend a moment in reflection. Spend a moment in reflection. Like a pain in your ear, drill a hole in your nose. Connect the Hey Matt, m'entends-tu? Oui, bonjour, ça va? Yeah, ça va super bien. Alors, monsieur ou Mr. Life of the Party, comment ça va? Ah, ben, you know, comme d'habitude, tout va bien. Toujours aussi. Toujours aussi joyeux. Yeah, certainement. Je suis content qu'on va jouer à Trois-Rivières encore une fois. Ben ouais, moi aussi je suis content, surtout que ça fait un bon bout qu'on vous a pas vu. Yeah, je pense que peut-être 2 ans. 2 ans, ben ça fait un petit bout de temps. Environ, c'est pas certain, mais yeah, ça va être vraiment cool de retourner. Oh oui, mais c'est toujours cool en fait quand vous êtes là. Hey, est-ce que t'es content? Ben en fait, là, c'est sûr que tu réponds pour ton groupe, mais est-ce que vous êtes content, les Planet Smashers, de venir jouer sur une scène extérieure pour les nuits polaires? Ben ça va être froid. Non, je pense que c'est le forecast, c'est moins 18. Je pense que ça c'est qu'est-ce que on va, you know, ça va être vraiment vraiment froid, mais on va jouer bien fort et je pense que you know tout le monde va danser. Ah ouais, tout le monde va danser. Alors, avec ça, you know, ça va être une excellente soirée, certainement. Oh oui. Surtout que le ska et l'hiver, on dirait que ça fit ensemble. Yeah, pourquoi pas? Certainement. Hey, Matt, pourrais-tu me dire c'est à quelle heure le spectacle, tout de suite, juste avant que j'oublie cette question-là? C'est 21h qu'on joue, on est sur la scène à 21h et on joue pour 1h30. Oh wow, 1h30, yeah. Donc vous allez avoir tout un setup, j'imagine. Yeah, un bel setup comme ça. Je pense que, you know, c'est la première show de l'année pour nous. Ah oui? Et on a quelques nouvelles chansons qu'on va jouer. Ah oui? Je sais pas si on va faire 3, 2 ou 1, on va voir, ça dépend, you know, si on est un peu confiant, de confiance, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Okay. Certainement au moins 1, peut-être 2, on va voir. Mais là, tu me parles de nouvelles chansons, ça veut-tu dire qu'il y a un nouvel album qui s'en vient? Parce que ça fait depuis 2005, à moins que... Alors, c'est vrai, on commence, on a déjà 12 chansons. OK. Je pense qu'il y a peut-être 3 qui sont bons, et puis okay. on continue. On veut enregistrer dans la fin du mois de février. OK. Avec René Desbrains, c'est lui qui va faire le mixage. Oui, c'est ça. Il va twister les knobs, mais sur l'ordinateur. Alors, on ne twiste pas les knobs maintenant, juste, you know. Mais, tu me parles comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Planet Smashers depuis 2005? Parce que, normalement, depuis 96, vous sortiez des albums à peu près deux par année. Pas deux par année, mais un album à chaque 2 ans ou c'est 3 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à travailler dans l'année 2007 sur le nouveau disque. OK. Et les chansons, ils n'étaient pas là. On trouve qu'on avait eu des difficultés. Il n'y avait pas aucune bonne idée pour les nouvelles chansons. Et puis, on a décidé, on va pas forcer ça. On va voir ce qui se passe. Et puis, vers le commencement de la 2007, il y avait comme Dave et moi, you know, we were like, yeah, I think we should take a break parce que, you know, ça devient comme un travail. C'est un peu trop comme un job. OK. You know, the love was going, you know. Okay. Et puis, on a arrêté pour un peu. Et Parce que c'est pas votre... Mon meilleur demi. Oui. Parce que c'est pas votre... Deux petits jumelles. Alors, j'ai resté ici pour... Pour t'occuper de tes jumelles, OK. Yeah. Mais il faut dire que c'est pas votre seul job sur les Planet Smashers. Non, je travaille avec la Stomp, l'étiquette, beaucoup. Maintenant. C'est ça. Ben, le Stomp Record, en fait, tu es un des fondateurs de Stomp Record. Mm-hmm. Yeah. Et, you know, maintenant, pour moi, pour la plupart, je travaille avec les autres groupes. Je fais la gérance, comme The Creep Show, The Brains, et Dreadnoughts. You know, ça en fait beaucoup. Yeah. C'est toujours. C'est vraiment cool. Je suis chanceux que je peux travailler toujours dans la musique. Oui. Même quand les planètes ne tournent pas comme 6 mois par l'année. Mais, ça va commencer encore quand le nouveau disque sort. Qu'on fait des choses. Ça, c'était-tu ton rêve d'adolescent d'avoir ton propre label et puis avec ton groupe puis vivre de la musique toujours? C'était-tu ton rêve, ça, quand t'étais jeune? Yeah. C'est vraiment. Chose, je pensais que ça va jamais, j'étais dans l'école, et même quand j'étais dans l'école, mm-hmm. c'était toujours comme juste un hobby. C'est comme, je vais faire ça pour, you know, jusqu'à quand je suis fini avec l'école, je vais commencer mon travail. Mm-hmm. You know, c'est fini la musique. Donc, comme j'ai dit, je ça suis pas chanceux quelque... que yeah, you know, j'ai fait des bons amis, beaucoup de bons groupes. Mm-hmm. Ben, il faut dire que dès le début, ça a bien commencé pour Stormbreaker. Vous avez signé plusieurs groupes ska. Quand la Third Wave a commencé, là, vous avez c'est signé, vraiment, vous avez été chanceux. Parce que... C'est vrai. Et aussi, il y avait tellement d'excellents groupes qui viennent à Montréal. Et ça arrive encore. Il y a, comme maintenant, il y a au moins 6-7 groupes ska qui jouent sur la scène. Ils commencent à tourner comme K-Man et les 45. Danny Rebel, il a un nouveau disque. Ah oui. Beatdown, certainement la Beatdown. Ouais, les Beatdown sont très bons aussi. Ça puis fait pas. Il y a aussi The Fundamentals, mais c'est tout. Comme tous les groupes sont. Ils juste commencent à tourner. Mm-hmm. C'est comme l'année 95 encore, ici à Montréal. Mais donc, finalement, tu me dis que la scène ska est en reconstruction. Mm-hmm. La scène ska canadienne, tu me dirais qu'elle est en reconstruction présentement. Après avoir baissé un petit peu, maintenant, c'est un peu comme en reconstruction. Oui, certainement. Mais comme, c'est vraiment seulement les planètes qui existent. Les autres groupes, ils sont tous disparus. Ah, les autres, c'est sûr que... Mais comment tu files face à ça? Je veux dire, comment vous vous sentez? Est-ce que, dans le fond, dans la Third Wave, le seul groupe qui a résisté au fil des années, c'est les Planet Smashers. Et comment... quel est ton sentiment face à ça? Es-tu triste ou joyeux ou... Je suis vieux. C'est vieux. je suis un peu triste parce que j'avais tellement d'amis, comme les membres des Kingpins. Mm-hmm. Et même Gangster Politics et Undercovers, qui sont toujours la musique maintenant, mais Undercovers sont les Stills et Gangster Politics, ils sont Pat Watson. Okay. Et, alors, ils font des autres choses. Peut-être ils ont eu plus de succès maintenant. Ça arrive. Les groupes viennent, les groupes... Ils viennent puis ils repartent. C'est ça. Yeah. Est-ce que tu... Est-ce que tu penses que dans un avenir rapproché, il pourrait peut-être avoir une quatrième explosion ska comme celle qu'on a connue vers la fin des années 90 et début 2000? Mais on va voir. Pour la première... Stomp, dans les derniers 2-3 ans, je pense qu'on a seulement... Il y avait peut-être... l'année passée, il y avait seulement un disque ska. C'était The Beatdown. Et même presque reggae. Mais c'est ska, un mélange de ska et reggae. Mais ce printemps, on va avoir 5 nouveaux disques avant avant la fin de mai, qui sont tous ska. Ah oui? Des nouveaux groupes, un groupe qui vient d'Australie, un groupe qui vient de l'États-Unis, qui vous connaît vraiment bien. But I can't say the name. Donc ça parce que le deal c'est pas fini, mais c'est vraiment cool. C'est incroyable qu'on va voir donc, le disque de ce groupe sur l'étiquette. C'est seulement pour Canada. Okay. Mais en tout cas c'est vraiment cool et ça va sortir dans presque environ 2 mois. Alors, yeah, je pense que on vient de finir les contrats et juste on attend pour que ils retournent les contrats chez nous et puis on peut parler à tout le monde. Oh, j'ai bien hâte d'entendre ça. Parce qu'il faut dire que depuis quelques années, Stomp Record s'est tourné vers d'autres genres musicaux. Autant, je dirais punk, emo, que psychobilly et rockabilly aussi. Là, récemment, vous avez signé plusieurs groupes de rockabilly. Il y a beaucoup. A fait pour toi, comment tu as vécu ça, le changement de vocation de Stomp Record qui, au début, était vraiment le label pour les groupes ska canadiens? Mm-hmm. Ben, pour nous, on a commencé. Ben, il y avait comme. Les groupes commençaient à disparaître. Quand les groupes, ils juste arrêtent à jouer, les groupes originaux. Il n'y avait pas beaucoup de groupes. Et on commence à dire, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on trouve quelque chose, peut-être. Dans la même style, like la même sorte de subculture. Tu comprends? Mm-hmm. Oh, ouais, You know, ska, ça va avec mod, ça va avec punk, et un peu avec rockabilly, psychabilly. Alors, j'ai vu le Creep Show. Ouais. Sean McNabb, le gars des Creep Show, il était dans Jersey. Mm-hmm. Et il jouait avec Jersey, ça fait peut-être 15 ans quand on était un petit groupe ska, punk. OK. Alors, on avait une bonne relation et on a commencé à travailler ensemble. Et puis, il dit, je ne suis pas content avec l'étiquette qu'on est sur maintenant. Et, est-ce que tu veux travailler avec nous? Puis c'est comme ça par la suite que... Par la suite, puis il y avait The Brains à Montréal. Et puis The Peacock Cats. Aussi. Yep. Et Coffin Cats, Elbion Hepcats. Alors, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Mais on ne veut pas, finir. Ça veut dire... on juste attend qu'on a des nouveaux groupes ska qui veut tourner au Canada et qui vont travailler fort. Et c'est maintenant, on a un groupe de Vancouver, là, non, c'est Rude City Riot. OK. Et c'est comme tout ton ska, c'est vraiment... Est-ce que c'est des anciens membres de la formation de Furios ou ça n'a pas rapport? Les Furios sont toujours là, ils jouent. Oh. Je ne sais pas s'il y a comme s'ils partagent des membres, mais la chose qui est... Pour moi, ce qui est un peu cool, c'est que leur gérant, c'est l'ancien chanteur des Villains. OK. Les Villains, c'était le premier groupe ska au Canada, je pense que comme, 1980. Ah oui. We're talking a long time ago, yeah. J'ai jamais entendu. Mon frère, qui est peut-être 5 ans plus vieux que moi, il avait leur disque sur vinyle. Et I was like, holy cow, what? Dan Coward? Alors ça, c'est cool pour moi. Et puis, on a un nouveau disque des Resignators de l'Australie. Mm-hmm. On va faire un nouveau All Canadian 5. Oh oui. Compilation, là, oui. Et j'espère qu'on va avoir des nouveaux groupes. Ska? Je sais qu'il y a un nouveau groupe à Québec, les Scapitones, mais ouais. Je ne sais pas s'ils ont des enregistrements qui sont, professionnels. Mais j'espère pour eux. Yeah, pour nous aussi. On veut un groupe, on veut comme de représentation autour au Canada, certainement au Québec. Et puis, Planet Smash est dans le mois de mai. Et puis, l'autre groupe que je ne peux pas dire maintenant, mais peut-être dans deux jours. En parlant des Planet Smashers, je me suis toujours posé la question, quel est ton album préféré des Planet Smashers? C'est Enfer Mighty et Life of the Party. Oui. Mais pour moi, mes chansons les plus favorites, comme les trois chansons que j'aime le plus, ils sont tous sur No Self-Control. No Self-Control? Oh. Mais il y a tellement de chansons que j'aime pas sur No Self-Control. Moi, je vais t'avouer que votre premier album, le premier, là, ça a toujours été un de mes classiques, ça. Yeah, it's a classic, mais le enregistrement is terrible. Ah, mais c'est original. Vous l'avez fait, je pense, c'est dans une cuisine, c'est ça? C'est ça. Mais c'est original. C'est vraiment original. Et on ne savait pas comment jouer les instruments. On ne savait pas comment chanter. On est même, on a commencé à faire l'enregistrement et puis la question qu'on a demandé, c'est qui va chanter? in studio. Oh, ouais. Yeah, mais so. ça a jamais paru que vous n'étiez pas professionnel, ça a très bien sorti. Ouais, c'est drôle. Mais c'était la même année que Out Come the Wolves de Rancid a sorti. Ouais. Alors la différence entre les deux, c'est énorme. Ouais, mais quand même, ça avait, je te dirais, peut-être comme un certain charme. Yeah, c'est ça, Yeah, un certain charme, j'aime ça. Tu pourrais-tu me dire, à travers le monde, Stormbreaker est quand même rendu le distribué un peu à travers le monde. Tu pourrais-tu me dire qui sont vos distributeurs dans les pays étrangers? Ben, à Japon, on utilise Disc Union. OK. C'est comme un distributeur indépendant. Ils ont comme une petite chain de magasins. Un peu comme, si Archambault était cool, okay. Ben, c'est comme ça. Okay. Il y a environ 23 magasins partout au Japon. Et ça, c'est pas beaucoup pour le Japon, parce que le Japon est énorme. Oui, le Japon, c'est assez, c'est... Puis la Sainte-Ska, là-bas, est-ce qu'elle se porte bien au Japon? Yeah, oui, ça porte bien. Est-ce que vous avez déjà joué là-bas, ou...? Oh, certes. On était là dans les 2001. Ah oui? Ah, seulement une fois. Et puis, on a tous les disques qu'on sortit sur Sky Records, là-bas. Okay. Originellement, ça, c'est avec Sky Records, c'était avec Sony. Alors, on a eu... Pretty cool distribution. Et puis pour... ça fait justement seulement 2 années que Catman, qui était une compilation des chansons que le gars qui a fait Catman, qui était la vidéo pour Blind. OK. Bah, regarde, yeah, c'est... Anyway, yeah, Japon, c'est cool. Okay. Puis à l'États-Unis, on travaille avec plusieurs, comme Cargo, Nail... Jumpstart Record. Yeah, ILC. Maintenant, on va voir peut-être quelque chose de nouveau dans l'année 2011. Oh. On va voir. Et en Europe, et puis, est-ce que vous êtes avec Matt Butcher ou... Un peu. You know, on fait des échanges avec Matt Butcher. On fait des échanges avec Leech à Zurich. Et puis maintenant, Destiny Records qui fait beaucoup de choses à Berlin. Okay. C'est comme les mêmes personnes qui travaillent avec NoFX et plusieurs d'autres groupes de fat. Il y a tellement de cool étiquettes partout qu'on se trouve, you know, c'est toujours facile de travailler ensemble et de faire des choses qui fonctionnent bien. OK. Et puis, est-ce que vous pensez ouvrir un nouveau magasin Stomp à Montréal ou pour ça, c'est chose du passé ou... Parce que je t'avoue qu'il y avait des bons CD là-bas. I know. It was cool, mais on a perdu trop d'argent. Ah oui? C'est dur à croire. On ne savait pas comment, gérer. Oui, c'est ça, you know. Et puis, maintenant, les chemises... l'ancienne magasin, on a eu des chemises Fred Perry, Ben Sherman. On peut trouver ça partout maintenant. Oui. Pour les vêtements, je t'avoue, mais pour la musique, par contre... C'était moins compliqué de passer chez Storm que faire tout le tour des magasins de Montréal pour te chercher un CD d'un groupe Oi qu'il n'y avait pas nulle part ailleurs. C'est ça, on avait tout ça. Il y a une chance qu'on va essayer ça encore. Si on peut trouver comme quelque chose qui est pas cher, un petit boutique quelque part. Mais ça vous coûtait tout cher d'être sur la rue Saint-Denis? J'imagine que ça devait être quand même assez cher sur Saint-Denis. Yeah, c'est un peu trop cher pour nous. Ouais. You know, Si nous avons resté sur Rachel, ça c'est l'original location pour la boutique, je pense qu'on pourrait continuer, mais non. Parce que le magasin disque, ben, le Stomp Record est encore sur Rachel. Non, on a déménagé. Ah oui? Ça fait 5 mois, on est maintenant à Club Soda. Oh. On est sur le même étage que... Que le Club Soda? Que l'agence Press. Ah oui. Qui fait la booking pour Vulga Machine, Grimmskong, des groupes comme ça. OK. Puis penses-tu que vous seriez capable d'ouvrir un magasin là ou ça serait trop compliqué? Il y avait une chance qu'on pourrait faire quelque chose sur le premier étage de Club Soda parce qu'ils vont commencer, ils vont ouvrir un café. OK. Comme un petit, un resto café. Mais seulement, pour vérité, ça veut dire seulement vraiment un café. Peut-être qu'il y a une chance que. On peut avoir un peu de l'espace là. Et aussi, il y a tellement de changements dans cette district qu'il y a une chance qu'on peut faire quelque chose de nouveau. Pour maintenant, c'est simplement pas dans les prochains 12 mois. OK. Mais peut-être dans 2012, on peut faire quelque chose comme ça. Oh, c'est bien, 2012, pour la fin du monde. Yeah, la fin du monde, just in time. Hey, si on revient avec les Planet Smashers... Dans votre line-up actuel, quels sont ceux, à part toi, qui font partie du line-up original? Oh, c'est seulement moi et Dave. Seulement toi et Dave, tous les autres sont... C'est moi et Dave qui étaient sur la première disque et tous les autres sont nouveaux. De nouveau. Tout nouveau ou nouveau? Non. Maintenant, on joue avec Jean-Olivier. Il a joué sur Mighty. OK, donc et c'est beaucoup... Les autres, c'est ceux qui étaient sur... C'est la gang de l'album Mighty, c'est ça? Yep, et Scott, donc, il a joué sur Mighty. Scott, le batteur, il était là de 2003, je pense. 2003, ouais, c'est ça. 2003, et puis... Lone Star. Et qui joue au saxophone, ça c'est Neil Johnson. Ah ouais, ça vous... Il peut pas jouer à Trois-Rivières parce qu'il est en tournée avec les Toasters maintenant. Ah oui? Mais il est toujours dans la groupe. Oh. Alors, il est toujours dans la groupe, mais il fait une tournée. Alors, on joue seulement un show, mais alors on a Al Feck qui est la saxophoniste de Arsenic 33 qui va jouer avec nous. Ah, bon, mais c'est bien au moins d'avoir du sax. Cool. Mais moi, je crois que vous avez eu toujours plusieurs problèmes avec vos, vos percussionnistes. Non, je veux dire avec vos ceux qui faisaient le saxophone et le trombone. Ça se peut-tu? Vous avez changé beaucoup de... Le saxophone, c'est un, deux, trois, quatre différents saxophones. Quatre, ouais. C'est beaucoup. Et, oui, c'est beaucoup. Il y avait... ça commence avec Andrew pour le premier disque. Et puis mm-hmm. après ça, il y avait Leon qui a joué sur Attack, Life of the Party et Mighty. Ouais. Et puis... je pense que ça, c'est correct. Et puis Aaron Mathers sur No Self-Control. Et puis Neil a joué seulement sur Unstoppable, mais you know, il a été un membre dans le groupe aussi, comme Scott, il a commencé à jouer avec nous vers 2004-2003. Oh. Bon. Yep. Alors, you know, il y a des changements. Beaucoup de changements. Dans 15 ans. Yeah, oui, quand même, il faut dire que ça fait longtemps que vous jouez. Yeah. Mais, you know, Dave et moi, on est toujours des excellents amis et nous sommes mm-hmm. toujours des amis avec tous les membres, des anciens membres des Planet Smashers. Donc, dans un party, ça fait beaucoup de monde. Yeah, man. You know? Et c'est vraiment cool de jouer dans le groupe. On a des belles expériences et tous les membres qui sont dans le groupe maintenant, nous sommes des bons amis. Est-ce que les nouveaux membres connaissent tout le répertoire des Planet Smashers? Non. moi, je pense qu'on peut jouer comme 35 différentes tunes. OK. Il y a environ peut-être 100. Wow. Mais on peut seulement jouer 35. Wow. C'est dommage. Et ma prochaine question, justement, c'est, ça touche à ça, à vos chansons. Quelle chanson pensez-vous jouer à Trois-Rivières en fin de semaine? On va certainement jouer les chansons comme Life of the Party, Surfing, et, Super Orgy Porno Party. Mais on va avoir des surprises. On va jouer quelques chansons qu'on, normalement, on ne joue pas. Pensez-vous jouer Vampire? On vient de recommencer à jouer Vampire. Oui. Oh, c'est mais bien. Je ne sais pas si on va jouer à Trois-Rivières. Il y a une chance qu'on va. Ouais, on a joué ça à Toronto avec il y avait une énorme show avec Mustard Plug, Creep uh-huh. Show, Dreadnought. Et on a joué ça, on a joué She's So Hot, mm-hmm. on a joué Coolest Guy in the Whole World. Ouais. Et puis des autres chansons comme Girl in the Front Row, on a fait Psycho Neighbor, The Mighty. Ouais. That was a disaster. Comment ça? C'était pire. On n'a pas bien joué la chanson. Ah oui? Ben, ça arrive, Oh, je suis sûr que ça arrive toujours. Non, j'espère pas. Mais, yeah, it was good. Hey, à part Trois-Rivières, quelles sont les prochaines dates où vous allez jouer? Ben, après ça, on va concentrer sur le nouveau disque. Mais, okay. On a deux shows dans le mois de mars. Déjà trois shows. On joue à Montréal le 4 mars, à Québec le 5 mars. Et puis, on retourne à Toronto le 25 mars. Ça va faire plusieurs shows, ça, dans le mois de mars. Il y a Hop City Stomper aussi qui vient à Montréal. C'est pas encore confirmé, mais je crois que c'est pas mal assez confirmé. Avec The Prowlers. Ouais. Donc, ça va être gros. Il y a Crass, pas Crass, le line-up original, mais c'est tout comme si c'était. Ouais, c'est ça. Donc, plusieurs shows. Yeah, il y a même. Je pense que Beatdown joue aussi avec Flatfoot 56. Ça n'en fait. Le 17 de mars. Alors, ça va être une fête incroyable. Tout un mois de mars. Yeah. Ben, Matt. Yeah. Avant que l'on se quitte, mm-hmm. Tu pourrais. Voyons. Je voudrais que ce que tu souhaites pour un très bon show à tous les membres du groupe. J'aurais aussi. C'est ça. Donc, je souhaite pour tout ton groupe que ça aille super bien. Hey, merci. Puis, t'aurais-tu une demande spéciale dans les chansons des Planet Smashers? Parce que là, je vais faire jouer. Attends une petite minute. Donc, là, dans les pièces qui s'en viennent, il y a Fabricated, Psycho Neighbor, Raise Your Glass et bien sûr, My Love Vampire. T'aurais-tu une autre pièce à ajouter à ça? J'ai les six albums ici. Oh, wow. Disons Blind si tu veux une chanson vite ou Suede si tu veux une chanson comme Chill. Okay. Okay, Blinded is right on. Okay. Alors, merci. Ben, je te remercie, puis on se voit samedi. OK, à bientôt. À bientôt. Salut, merci, là. Bye. Salut. Bye. Alors, c'était les Planet Smashers, ou plutôt Matt des Planet Smashers. Et après le court bloc de publicité qui s'en vient, eh bien, nous aurons les Planet Smashers avec les chansons que je viens tout juste de dire que je vais faire jouer à Matt. Et puis, ben, c'est ça. Alors, allons-y avec le bloc de pub. Et puis après ça, on enchaîne avec les Planet Smashers et les chansons Fabricated, Psycho Neighbor, Raise Your Glass, My Love of Empire, ainsi que Blind. Tout ça uniquement à Skypunka, sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Take warning, a meteor flies towards large shout out goes to our crew for everything that they do. The gang back home, the boys overseas, when they needed a kick, they'd give it gladly. Raise your glass, come on everybody. Raise your glass, raise your glass, raise your glass. What they are, the crew may last. Finally, we salute all of you here today. Those that couldn't get out tonight, without all you, we'd have no rise. Bon, alors, c'était The Planet Smashers avec plusieurs de leurs compositions. En tout cas, la celle qu'on vient tout juste d'entendre, c'était Blind. Mais si on recule de quatre pièces, on a eu tout d'abord Fabricated. Ensuite, on avait eu Psycho Neighbor. Après ça, on avait continué avec Raise Your Glass. Et on avait eu par la suite My Love of Empire. Maintenant, je regarde l'heure filer, puis je crois qu'on va y aller avec un dernier bloc. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire jouer tout ce que je voulais faire jouer. Mais on va au moins entendre les chansons suivantes. Tout d'abord, Bigger Sound, avec une pièce que je voudrais dédier aux anciens Chats de Gouttière. Pourquoi? Ben parce qu'elle s'appelle Chats de Gouttière. Je sais pas si vous vous rappelez l'émission Les Chats de Gouttière avec H et Pépite. Ça, c'était ceux qui étaient juste avant... Non, c'était ceux qui étaient après Skypunka dans le temps que j'avais mon émission samedi. V'là 3, 4, 5 ans. Donc, c'est ça. Je crois que... En tout cas, s'ils sont à l'écoute, je crois qu'ils vont apprécier cette chanson-là. Ensuite, nous allons continuer avec les Salles Majestés et la pièce Que pont toujours. Par la suite, on va avoir les Bons à rien avec Marée Noire. Ensuite, nous allons avoir les Dalton avec Dis-moi pourquoi. Et puis là, si on a le temps, nous aurons The Brains avec Enjoy the Silence. Puis on va, si on a le temps, nous finirons le tout en beauté aujourd'hui avec The Gears et la pièce Last Chance. Sinon, eh bien, vous écouterez mes bonus tracks voyons sur archive.org, là où sont disponibles... près d'une vingtaine d'émissions de Skypunka maintenant. Alors, à la semaine prochaine, tout le monde, pour une autre émission de Skypunka. D'ici là, continuez à être des rockeurs rebelles. Puis, si vous avez envie d'en entendre plus d'émissions, eh bien, c'est très facile. Vous allez au www.archive100s, donc archive.org. Il y a un moteur de recherche là-dedans. Vous tapez Skypunka, S-K-O-I-P-U-N-K. Vous allez avoir accès à mes plus récentes émissions. Donc, sur ça, la semaine prochaine, toujours entre 19h et 21h. Et d'ici là, ne lâchez pas ces fous, parce qu'après Skypunka, ce sera la saveur du moment. Sur ce, bye-bye et bonne nuit. Le chat tout dernier dehors s'ébrouille pour manger des restes. La reste au chat est dans le confort et mange même dans des assiettes. Toi tu n'as pas de collier, dans la rue tu te fais respecter. Mais si t'es noir tu portes pas le nez. Les riches n'aiment pas cette couleur. Les beaux chats ont peur de toi. Toi t'es ton bras t'as le poil rare. Chat-gouttière, toi tu ne peux pas consommer. Chat-gouttière, chat-gouttière, mais toi tu es en liberté. Chat-gouttière, chat-gouttière. We'll be right back. cette chanson. Et une chanson pour tous les quepons, quepons d'un jour, quepons toujours. Merci camarades. We'll be right back. one more. One more drink and then we'll hit the road. Just one more round and four dry hours to go. So if you came to dance, if you wanna take a chance, well, loosen up your pants, we'll play one more. Hey, loosen up your pants, we'll play one more. The time has come, we ought to let you know. We're never ever going to let you go. Unless you take a chance and show us you can dance. Cause we came to play for more than just your dough. Yeah, we took a chance and we gave you one last chance. I guess that shows how much we really know. Yeah, we took a stance and we gave you one last chance. This is your last chance, so better dance, dance, dance. You gotta dance, dance, dance. Come on and dance, dance, dance. You better dance, dance, dance. Come on and dance, dance, dance. You better dance, dance, dance. You gotta dance, dance, dance. Come on and dance, dance, dance. You better dance, dance, dance. Come on and dance, dance, dance. Come on and dance, dance, dance. You better dance, dance, dance. Come on and dance, dance, dance. Oh!